CISM 89,3 FM. Bonsoir à tous, ici Jean-François. Vous écoutez l'émission Le Terminus, une émission dédiée au rock indépendant de la scène locale montréalaise et d'un peu partout dans le monde, également au Québec, également tout ce qui tourne autour. Je reviens tout juste du tailgate des Carabins, l'équipe de football de l'Université de Montréal qui se déroulait devant le Sepsum. Et conclusion, on pourrait dire que hot dog, bière et musique aliénante de des stations qui logent un peu plus à droite que CISM sur la bande FM, eh bien, c'est pas un mélange à conseiller trop souvent. Malgré tout, on a l'occasion de rencontrer des auditeurs de CISM et ça, c'est toujours très cool. Et on a également eu l'occasion, j'espère, d'ouvrir les horizons musicaux de quelques fans des Carabins supplémentaires. Au menu ce soir, on va avoir de la musique assez variée comme d'habitude avec entre autres Telekinesis, Eric Stripp et Brandon Canning. En introduction d'émission, on entendait le groupe anglais Hate Legs qui jouait justement en intro d'émission comme je le disais. On va maintenant entendre le duo Tiger Waves dont les membres habitent à Chicago dans le nord des États-Unis et à Austin au Texas dans le sud des États-Unis. Sur la page Facebook qui compte seulement 30 membres, il faudrait les aider. Ils disent avoir enregistré leur premier album qui est sorti en juin sans jamais se rencontrer, uniquement en s'envoyant des maquettes sur Internet. Ils sont vraiment de leur temps, il faut dire. Musicalement, Tiger Waves fait une espèce de pop-rock avec une petite touche de surf et de leur propre aveu qui vient des Beach Boys. L'album s'appelle quant à lui « Only Good Bands Have Animal Names ». Ils sont également très drôles, on peut voir. Vous pouvez télécharger gratuitement l'album sur Bandcamp. Alors voici You Laugh Now de Tiger Waves sur CISM 89.3. We'll be right back.

York avec The Wall de leur premier album sorti l'année passée. Il y avait aussi du Diabologum dans le dernier segment, de la neige en été de leur dernier album Ce n'est pas perdu pour tout le monde qui remonte à 1996. D'ailleurs, la voix de Diabologum, Michel Clou, va lancer le 5 septembre un album solo qui s'appelle Notre silence, qui figure, dont une des chansons, je crois, figure au palmarès de CISM depuis cette semaine. En fait, c'est un projet qui est plutôt un duo puisqu'il est accompagné, M. Clou, de Patrice Cartier à la batterie. Justement, je vous conseille de jeter un coup d'œil à cette première chanson-là, ce premier extrait-là qui s'appelle « Cette colère », qui est pas mal intriguant. Je vous rappelle que l'émission de ce soir est en direct, alors vous pouvez m'appeler pendant les segments musicaux au 514-343-CISM 343-2476. On se tourne maintenant du côté de Charlie Foxtrot, une formation qui est formée d'anciens membres du groupe punk de Québec MAP. Si vous nous écoutez en direct ce soir sur le web et que vous êtes à Québec, ils sont au Cercle ce soir justement. Va falloir par contre attendre à octobre pour les voir du côté de Montréal. Voici Pas un public cible de Charlie Foxtrot sur CISM 89.3, l'émission Le Terminus. C'était Télékinésis avec une chanson, ma foi, assez dansante, I Got You, qui est extraite de leur nouvel album 12 Desperate Straight Lines. Vous entendiez avant le shoegaze de Gliss avec Anybody Inside. Gliss vont plus loin en qualifiant leur musique de, attention, Fucked Up Dream Pop. Assez intéressant, n'est-ce pas? Pour le prochain segment musical, j'ai décidé de me faire plaisir avec Eric Stripp, qui est en fait la figure emblématique du lo-fi originaire de Moncton, qui a été au début des années 1990 le premier groupe canadien à être signé sur le label de Nirvana Sub Pop. J'ai choisi de leur troisième album Purple Blue Universe. On écoute ça sur la marge. CSM. We'll be right back. Eh bien, des Français qui rockent en français, ça existe. On a l'exemple des Bortivo avec la chanson Exorde Baraté. Exorde Baraté, c'est ça. Avant des Bortivo, je vous ai fait jouer la musique des Vancouverois de Sun Wizard avec de leur album Positively Fort Avenue, la chanson Safe and Sound. Voici maintenant l'album qui se retrouve cette semaine en 27e position du palmarès album. Garden of Arms du groupe Peter Wolf Krier. Voici Setting It Off sur CISM 89.3. Qu'est-ce qui se passe dans cette tête? On s'en met toujours à 77. Et tout le monde est un esthète. L'apocalypse devient une fête. Le Globe 77 du EP Post-Orchestre de mariage. Le Globe sont de Montréal et ont fait paraître un sympathique EP de 6 chansons en tout début d'année, et ce, gratuitement sur les internets. Dans le dernier segment, il y avait juste avant un membre du supergroupe Broken Social Scene, Brandon Canning. En fait, presque tous les membres du groupe ont des projets solo. On n'a qu'à penser à Kevin Drew, Jason Corlett, Emily Haynes et Feist. Et il y en a sûrement d'autres. Quant à nous, on a entendu Hit the Wall de Brandon Canning. Et en plus d'une chanson avant la fin de l'émission, parce que tout de suite après, Étienne Champagne poursuit la soirée avec son émission Rythmologie. 12 pouces dans le jazz va suivre jusqu'à minuit. Je vous rappelle, ou plutôt je vous informe, que l'émission de la semaine prochaine sera la dernière pour le Terminus pour cette saison. On se quitte avec la musique d'Escarmica, la chanson IKB. Et je profite également au passage pour vous dire que si vous voulez retrouver la liste des chansons qui a joué ce soir, vous pouvez vous rendre sur le cism893.ca. Il y a également la balado de l'émission que vous allez pouvoir télécharger. Alors voici la musique d'Escarmica. Ici Jean-François, à bientôt, à la semaine prochaine. Portez-vous bien, etc. Ciao. Mes doigts posés sur toi, viser en te regardant sur ta peau. Liser du rail et des mots, déposer, déporter. Dog.